Nous retrouvons un autre paysage sans voiture au terminus de la ligne B du tramway sur le campus. Cette situation met en évidence combien le calme est nécessaire pour que les corps et les voix humaines prennent leur place dans l'espace sonore public.